Bonsoir à tous en ce vendredi 11 janvier 2013. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Je m'appelle Jean-François Lusignan. On est ensemble pour la prochaine heure, pour une heure de rock indépendant. Et vous avez sûrement remarqué, on a un petit changement côté indicatif musical, musique d'introduction. Pour souligner le changement de saison, hein, on commence cette semaine à CISM, la saison d'hiver 2013. Et donc, exit la chanson de Cool Runnings que j'avais utilisée pendant les deux dernières saisons. C'est maintenant une chanson de Vidéoville d'un album qui vient de sortir. En fait, on va en réécouter à la fin de l'émission, un album instrumental de rock là, inspiré entre autres de shoegaze, de post-punk, super intéressant, que je vous recommande vraiment d'aller écouter. Ça vient de sortir, donc on réécoute ça en fin d'émission également. On va débuter ce soir avec, on a encore beaucoup de nouveautés, même si on vient de sortir du temps des fêtes. On va commencer avec Triangulo de Amor Bizarro, un groupe espagnol qui a eu la chance, entre guillemets, de passer 3 jours l'automne dernier dans le studio de Red Bull, la boisson énergétique à Madrid, donc leur studio dans lequel ils ont travaillé avec Sonic Boom, un réalisateur qui a déjà travaillé entre autres avec Stereolab et MGMT. Donc, ils ont eu gratuitement 3 jours de studio, pas pire quand même. Ça donne une petite publicité également à la boisson en même temps. Et tout ça a donné 2 chansons qui viennent d'apparaître sur Internet, entre autres. On va écouter la première de ces 2 chansons-là. Ça sonne quand même très, très bien. Ça s'appelle « Ellas se burlaron de mi magia » du groupe Triangulo de Amor Bizarro. Vous êtes à l'écoute de CISM, l'émission Le Terminus. We'll be right back. Cannes, un groupe norvégien avec la chanson Broad Swords. Et Cannes, ça s'écrit comme Gengis Khan, donc la même chose. Et donc, ce groupe-là n'a pas sorti grand-chose depuis... c'est leur deuxième chanson qui sort sur Internet, donc rien d'autre de leur côté. Mais je vous invite à aller voir ça, en fait, sur leur étiquette gravyrecords.bandcamp.com. C'est là que vous allez retrouver la chanson de Cannes. Et juste avant, c'était Decibel, un groupe d'une formation punk de Lyon, en France, mais qui chante en anglais. C'était leur chanson Bill Murray. Ça se retrouve sur l'album Pedro Joko qui est sorti en 2011. On va poursuivre le prochain segment avec des chansons qui sont un peu plus pop, un peu moins rentre dedans que le premier segment de l'émission. On va commencer ça avec Gunther Carnaval. Donc, ils ont une chanson qui se retrouve sur la compilation Farfisa Sessions Volume 1. Qui était produite par l'étiquette Le Noise Maker, qui est une étiquette qui est établie dans la région du Pas-de-Calais, qui est dans le nord de la France. Et la majorité des chansons sur cette compilation-là sont en anglais, mais la première chanson de l'album de la compilation est en français et s'appelle Retentir. Et c'est ce qu'on écoute tout de suite à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Déjà plus. jusqu'à 22h. Vous êtes à l'écoute de l'émission Le Terminus, une émission dédiée au rock indépendant. Et le dernier bloc était quand même pas mal pop, je vous avais averti. Ça avait commencé avec Retentir de Gunther Carnaval. Ensuite, on a entendu Bent Shapes, qui était autrefois appelé Girlfriends. Donc, ils ont changé de nom parce que c'était un nom un peu trop commun. Donc, maintenant, ils s'appellent Bent Shapes et ils sont de Boston. C'était la chanson Big Machines, qui est une chanson comme ça qu'ils ont lancée sur Internet. Je crois même qu'il y a un EP de 4 chansons qui est disponible sur leur site Internet, si vous allez voir ça. Et on vient d'entendre un groupe local qui va probablement être qui va probablement connaître beaucoup de succès cette année. Un groupe de Montréal, Reversing Falls, avec la chanson Curse This Place, qui est le premier extrait de leur premier album, qui est super attendu, en fait, super attendu de ma part, qui devrait paraître d'ici le printemps. Il s'agit d'un trio de Montréal, Reversing Falls, mais lors d'un des derniers spectacles que j'ai vu d'eux, en première partie de PS I Love You, ils avaient, en plus du drum machine qu'ils utilisent habituellement, ils avaient un batteur invité qui était nul autre que Jamie Thompson, si vous connaissez, qui était Jamie Tambourine, me semble, son nom de scène, qui était autrefois dans les Unicorns. Donc, ce serait intéressant de savoir si M. Thompson sera encore avec eux dans l'aventure pour ce nouvel album-là, qui introduit des nouveautés. Hein. On a des chansons maintenant qui dépassent les 2 minutes. C'est pas habituel depuis leur début. Et également, ce qu'on a pu entendre dans la chanson Curse This Place, que vous pouvez télécharger gratuitement sur Bandcamp, des pianos aussi, donc un peu moins rock. Introduction, en fait, de nouveaux instruments pour Reversing Falls, qui est vraiment à suivre. Donc, on va poursuivre avec un autre groupe canadien, maintenant de Vancouver, qui s'appelle Mod Moderne. Voici Electrocute Me de l'album Strange Bruises du groupe Mod Moderne sur les ondes de CISM. We'll be right back. directement de Londres. C'était le rock alternatif Noise, Donny Slide et leur chanson Made for You. Ça se retrouve sur un EP qui est sorti en juin 2012 et c'était précédé de Raise avec la chanson Hey Hey Hey. Et le nom du groupe Raise s'écrit de façon assez particulière, donc je vous invite à aller consulter la liste des chansons vers 10h, vers 22h sur le CISM893.ca. Vous allez voir comment ça s'écrit. On va poursuivre avec un groupe francophone, Le Récif, qui a mis sur sa page Facebook cette semaine un lien vers une performance qu'ils ont fait à la télé communautaire du Sud-Ouest, je ne connaissais pas, qui s'appelle TV Sud-Ouest. Et là-dessus, donc, ils ont une perfo d'à peu près une trentaine de minutes en HD qu'ils ont enregistré là-bas, qui est disponible. Donc, vous allez retrouver le lien sur la page Facebook du groupe Le Récif. Sinon, nous, on va écouter la chanson La Limite du groupe sur les ondes de CISM à l'émission Le Terminus. Thank you. c'était Play Lounge avec la chanson Elephant qui se retrouve sur un 12 pouces qui est sorti l'automne dernier. Et en fait, Play Lounge, c'est un duo, un gars et une fille. Et ils ont reçu quand même un assez bon accueil de quand ce 12 pouces-là est sorti l'année dernière de la scène indie un peu britannique. Et côté son, ça me faisait beaucoup penser quand même à Solid, qui est un groupe espèce de grunge garage de Montréal. Donc, une similarité du son entre Play Lounge et Solid, même s'il y a un océan qui les sépare. Et on va continuer avec une Californienne qui s'appelle Colleen Green. En fait, elle travaille tout seul avec sa guitare et des machines. Et son album Milo Goes to Compton est sorti, je crois, l'année dernière, c'est ça. On va entendre la chanson A Goldmine, donc tirée de cet album. Et on se reparle tout de suite après. Non, il va y avoir une autre chanson, on se reparle ensuite. Bonne écoute. We'll be right back. Melbourne en Australie, c'était White Walls avec I Can't Win. Et c'était précédé de Colin Green avec la chanson Gold Mine. Restez à l'écoute. Jessica Mendez va vous faire groover dans quelques instants avec son émission L'âme Hi-Fi. Sinon, pour écouter l'émission, retrouver la liste des chansons, c'est sur le CISM893.ca que ça se trouve dans quelques minutes également. Et archive de l'émission leterminus.ca. On va se quitter avec la musique de Vidéoville qui ont sorti le 1er janvier dernier. Un nouvel album instrumental gratuit. Ils font une espèce de rock post-punk, donc instrumental. Et c'est pas leur premier album, ils en ont déjà sorti deux autres depuis 2009. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil ou une oreille à tout ça. De notre côté, on va entendre la chanson « Les hommes hologrammes » de l'album « À la recherche de la femme féconde ». Et c'est ça qui est pas mal ça. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se retrouve vendredi prochain, 21h, pour une autre édition de l'émission Le Terminus. Ciao! C'est les criquets crinqués. Des bonnes tunes, des primeurs dans le monde de l'indie rock, du post-rock, du shoegaze, de l'électro et plein d'autres bébites. Les criquets crinqués, c'est ta dose de musique moderne. Les lundis soirs, 22h sur les ondes de CISM, le 89,3 FM. Téléphone, l'application Tabasco Thierry. Thierry, c'est lundi soir. Qu'est-ce que je peux faire? Pas de problème. Va immédiatement au Tabasco Bar t'hydrater, car ce soir lundi, c'est notre soirée mojito double. Thierry, j'aime pas trop les blondes. Que dois-je faire? Pas de problème. Il y a des rousses, des brunes et des ambrées. Thierry, j'aimerais faire autre chose que de jouer au billard ce soir. Pas de problème. Descends immédiatement de deux étages et défoule-toi sur ma piste de danse. Thierry, je viens de rencontrer un gars qui danse comme un dieu et je cherche un endroit pour prendre un verre et discuter avec lui. Pas de problème. Je vous ai réservé la banquette. La serveuse arrive immédiatement. Thierry, merci pour la belle soirée. À bientôt. Pas de problème. C'est mon travail. TabascoBar.com. Du 17